DJ NF, y'all. Brand new flavor. Seven Kadumpers. I'm feeling it right here. Gangsta. Do your thing, baby. Faux, que tu prêches le faux pour me pécho. Go, tu t'es trompé de cerveau. À la